إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes. Et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions, celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Ya ayyuha alladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. وخلق منها زوجها, et qui a créé de celui-ci son épouse. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, certes, Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Yuslih lakum a'malakum, afin qu'il améliore vos actions. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et afin qu'il pardonne vos péchés. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Qu'Allah fasse revivre ses visages resplendissants. Qu'Allah fasse purifier ses âmes. Et qu'Allah fasse ouvrir ses poitrines. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a rassemblés et réunis lors de ce noble jour béni afin de l'adorer, qu'il nous rassemble et qu'il nous réunisse le jour de la résurrection dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre 11e rencontre parmi les rencontres de notre série Marahil ad-Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Une série traitant de questions de jurisprudence funéraire. Et ainsi, lors de notre dernier discours, nous avions certes parlé de ce que nous devions faire avant d'enterrer un mort. Et nous avions également décrit ce à quoi devait ressembler la tombe. Cette demeure qui se doit d'être conforme à l'enseignement de notre prophète alayhi salat wa salam. Et nous parlerons aujourd'hui bi-idhnillahi azza wa jal, par la volonté d'Allah azza wa jal, de la manière d'enterrer un mort et de la descente du mort vers cette demeure. Et nous ne disons pas la demeure dernière, comme le pensent et comme le disent certaines personnes ignorantes. Car la tombe, mes chers frères et sœurs, ne constitue pas la dernière demeure de l'homme. Ce n'est que la première étape de la demeure dernière. Ainsi aujourd'hui, notre sujet sera d'apprendre comment descendre le mort dans sa tombe, afin que ce dernier séjourne dans cette demeure étonnante et bouleversante et terrifiante, une demeure que l'homme n'arrête pas de fuir et que l'homme ne cesse d'oublier et de négliger. Alors tout d'abord, mes chers frères et sœurs, quelle est la personne la plus apte à enterrer le mort? La personne à qui il incombe d'enterrer le mort est la personne que le mort a désignée pour l'enterrer. Cette personne est celle qui figure dans le testament du défunt, si ce dernier l'a rédigé auparavant. Et ainsi, la volonté de ce dernier et le choix de ce dernier devra être impérativement respecté et suivi. Et certes, si le mort n'a pas pu, ou n'a pas choisi, ou n'a pas désigné quelqu'un pour l'enterrer, alors nous devons désigner nous-mêmes une personne de sa famille proche, et cela suivant la parole d'Allah suivante, « Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah » Et les liens de consanguinité ont la priorité selon le livre d'Allah. En effet, ceci se compte également effectuer les compagnons radiallahu anhum, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils ont enterré notre prophète sallallahu alayhi wassalam. Et cela est rapporté dans le hadith de l'imam al-Bayhaqi et de l'imam al-Hakim dans son livre al-Mustadrak, et authentifié selon les conditions de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Celui-ci a dit: j'ai lavé le prophète alayhi salat wa salam et je n'ai aperçu sur lui aucune trace de la mort. Il était beau, vivant et mort, sallallahu alayhi wa salam. Et parmi ceux qui l'ont enterré, il y avait quatre de ses compagnons: Ali ibn Abi Talib, Fadl ibn Abbas, Abbas ibn Abd al-Muttalib et Salih, le servant du prophète alayhi salat wa salam. Et si cela prouve une chose, mes chers frères et sœurs, cela prouve que les personnes à qui revient le droit et la tâche d'enterrer le mort sont les personnes croyantes de sa famille proche. Et ceci concerne l'enterrement de l'homme par l'homme. En ce qui concerne la femme, il est autorisé que le mari enterre sa femme, comme il est rapporté dans le hadith de l'imam muslim, que le prophète alayhi salat wa salam a dit à Aïcha radiallahu anha: j'aurais bien aimé être vivant afin de te laver, puis te mettre dans ton linceul pour t'enterrer. Ainsi, si le mort est une femme, l'enterrement est effectué par son mari. Et après lui, le droit et la tâche de l'enterrement revient au plus proche de ses maharim, c'est-à-dire au plus proche des personnes qu'il lui est interdit d'épouser, tels son père ou bien ses frères, ses fils ou ses oncles paternels et maternels. Et si personne d'entre eux n'a la capacité de le faire, alors dans ce cas-là, n'importe quel musulman peut enterrer la femme, et cela même s'il n'est pas un mahram de la femme. Et la preuve en est ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans le livre des convois funéraires, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Celui-ci a dit: lorsque la fille du prophète alayhi salat wa salam mourut, nous étions dans le convoi funéraire, alors que le messager d'Allah alayhi salat wa salam était assis au bord de sa tombe. Et je l'ai vu en train de pleurer. Et ici, il y a eu une divergence sur le fait de savoir est-ce qu'il s'agissait de Ruqayya, des funérailles de Ruqayya, ou bien de Kulthum, radiallahu anhuma. Mais l'important était que c'était une de ses filles et qu'elle était la femme de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et alors le prophète, alayhi salat wa salam, demanda aux gens: qui parmi vous n'a pas eu de rapport cette nuit c'est-à-dire avec sa femme. Abu Talha al-Ansari, radiallahu anhu, répondit, « Moi, ya Rasulallah !» Et alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, « Descends dans sa tombe !» Et alors celui-ci exécuta l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wasallam, et l'enterra. Et dans la version de l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique, Abu Talha répondit, « Moi, ya Rasulallah !» alors que Uthman était présent. Remarquez ainsi, mes chers frères et sœurs, que le mari de la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, était présent à cet enterrement, de même que son père, sallallahu alayhi wasallam. Mais aucun des deux n'est descendu dans sa tombe, et ce ne fut que Abu Talha al-Ansari, radiallahu anhu, qui descendit dans sa tombe, alors qu'il ne faisait pas partie des maharim de sa fille, de la fille du prophète, alayhi salatu wassalam. Et cela fut possible à une condition que le prophète a émise, de ne pas avoir de rapport avec sa femme la veille. Et de plus, Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, a tiré de ce hadith la preuve de la permission de choisir l'étranger pour l'enterrement de la femme alors que son père et son mari sont présents. Par contre, si l'homme n'est pas pieux et s'il n'est pas digne de confiance, alors il n'aura pas le droit d'enterrer la femme, et cela même s'il n'a pas approché sa femme la veille de l'enterrement. Mes chers frères et sœurs, sachez que des règles et des lois juridiques se doivent d'être apprises et appliquées par les musulmans afin d'enterrer leurs morts. Premièrement, nous nous devons de ramener le mort sur son brancard à l'arrière de la tombe. C'est-à-dire que l'on doit faire rentrer le mort, sa tête la première, du côté où se poseront les pieds. Et la preuve en est ce qu'a rapporté l'imam Ahmed dans son Mousnad, et l'imam Ibn Abu Shayba dans son Musannaf, que Ibn Sirin, al-Tabi'i, rahimahullah, nous dit, j'ai assisté à un convoi funéraire en compagnie de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, et celui-ci a ordonné que l'on fasse entrer le mort dans sa tombe du côté où les pieds seront posés. Et de plus, l'imam Ibn Ishaq, ainsi que l'imam Abu Daoud et l'imam Al-Bayhaqi, ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique des propos disant qu'Al-Harith, qui faisait partie des Tabi'in, avait recommandé à Abdallah ibn Zayd qu'il fasse la prière sur lui. Et c'est ce qu'il fit. Et ainsi, lors de son enterrement, Abdullah ibn Zayd ordonna de faire descendre Al-Harith, la tête la première, du côté des pieds dans la tombe, et non pas là où sera placée la tête. Et telle est la sunnah. Car lorsque Abdullah ibn Zayd fit cela, il dit, telle est la sunnah. Ainsi, il faut donc que nous descendions le mort dans la tombe en le tirant par la tête, et ce qui fait qu'elle sera la première partie du corps qui entrera dans la tombe. Mais pourquoi d'une façon aussi précise? Sachez que la tête constitue la première partie du corps de l'homme qui aura vu le bas monde lors de sa naissance. Et Allah a voulu ainsi que la tête étant la première à sortir du ventre de la mère au début de la vie, qu'elle soit de même la première à rentrer dans la tombe à la fin de la vie, la première à rentrer dans la première étape vers la demeure dernière. Et remarquez, mes chers frères et sœurs, que si le défunt est un homme, il est permis, et c'est même une sunna, de ne pas couvrir la tombe avec un voile, afin de permettre aux gens présents d'observer le cérémonial de l'enterrement, à l'inverse du cas où ce serait une femme. Et nous conseillons ainsi, mes chers frères et sœurs, fortement à tout musulman et croyant assistant à un enterrement qu'il craigne Allah Jalla wa Ala en marquant un silence attentif et en réfléchissant à ce moment qui sera bientôt le sien. Et ainsi nous nous permettons de parler de cette question car de nos jours les gens ne respectent ni ce rituel ni le présent mort en prenant part à des sujets de discussion qui ne relèvent que de dunya, qui ne relèvent que de cette vie de ce bas monde, alors qu'au contraire, ils devraient être attentifs à cet événement qui devrait être marquant chez eux et non pas un moment de détente, plein de paroles futiles et de discours frivoles et de rigolades, wal'ayadu billah, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela que l'on rapporte selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu que ce dernier avait vu un homme en train de rire lors d'un convoi funéraire et il lui dit alors tu ris, je ne t'adresserai jamais la parole. Et de plus, Al-Fudayl ibn Iyad nous dit « Et wallah, lorsque les prédécesseurs assistaient à un enterrement, on voyait et on lisait la tristesse dans leur visage pendant 3 jours continus. 3 jours, mes chers frères et sœurs, où l'on lisait la tristesse et le désarroi dans les traits de leur visage. » Et de même, un savant a dit « Je n'ai guère assisté à un enterrement sans que je ne me pose des questions sur ce qui m'arrivera et sur ce qui se passera dans le futur proche. » Regardez, mes chers frères et sœurs, comment réagissaient les salaf, comment réagissaient les prédécesseurs lors des funérailles d'un mort, alors que nous, aujourd'hui, nous agissons d'une telle façon que l'on croirait qu'on enterre une planche et non un humain. Certains parmi nous parlent de leur projet de construction, d'autres de leur projet de leur mariage, d'autres de leur vente, de leurs gains et de leurs pertes. « Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Et en ce qui concerne l'enterrement de la femme, le choix étant selon la plupart des savants préférable, c'est-à-dire recommandé, il est recommandé de l'enterrer en mettant un voile qui recouvrira la tombe, afin d'éviter le cas où le linceul se découvrirait, et alors que l'on verrait sa aura, c'est-à-dire ce qui ne doit pas apparaître de son corps. Le second point, mes chers frères et sœurs, concernant l'enterrement du mort, concerne ce que doit dire celui qui se charge d'enterrer le mort, en établissant son cadavre dans la tombe. Ainsi, il se doit de prononcer l'invocation suivante, Bismillah wa ala sunnati rasulillah, ou bien Bismillah wa ala millati rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire au nom d'Allah, selon la sunnah, ou bien selon la religion du messager d'Allah. Et la preuve en est ce qu'a rapporté l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, celui-ci a dit, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, mettait le mort dans la tombe, il disait Bismillah wa ala millati aw wa ala sunnati rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une version authentique, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a ordonné de faire cela et leur a dit, lorsque vous établissez vos morts dans les tombes, dites Bismillah wa ala millati rasulillah. Mais sachez, mes chers frères et sœurs, que l'on doit prononcer cette invocation non pas au moment de poser le mort dans la tombe, mais au moment où on l'introduit dans le fossé Allah. Et ici, on est contraint de vous rappeler la différence entre le fossé Allah et le trou Ash-Sharq. Car il existe deux manières d'enterrer un mort. Allah, le fossé, ou Ash-Sharq, le trou. Et la première, Ash-Sharq, consiste à creuser une fosse rectangulaire et d'établir le mort à l'intérieur, puis de mettre une dalle au-dessus et puis de remettre de la terre sur le tout. Et cela s'appelle Ash-Sharq. Tandis que le fossé Allah consiste à faire le même trou, la même fosse rectangulaire, seulement ensuite il faut creuser une rampe latérale dans une des deux parois de ce trou dans laquelle sera introduite le cadavre du mort. Et cette méthode est celle qui est la plus conforme de la sunna, comme nous avons rappelé cela dans le dernier discours avant l'enterrement. Et alors, l'invocation « Bismillah wa ala millati rasulillah » se doit d'être prononcée au moment où l'on établit le mort dans ce fossé, dans cette rampe latérale « Allah » qui est creusée à l'intérieur dans un des deux côtés de la tombe. Et la preuve en est ce que l'imam al-Hakim dans son Mustadrak a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le mort, lorsqu'il est mis dans sa tombe, que ceux qui l'établissent dans son fossé Allah disent Bismillah wa ala millati rasulillah. » Et nous savons de même qu'il est autorisé que plusieurs personnes descendent dans la tombe pour enterrer le mort, puis qu'ils prononcent cette invocation. Mais pourquoi doit-on prononcer cette invocation? Car mes chers frères et sœurs, l'invocation est une bénédiction, est une baraka. Et puisque toute chose qui est importante, et en l'occurrence ici, l'enterrement du mort, se doit de commencer par Bismillah, alors on doit prononcer cette invocation. Et ceci, mes chers frères et sœurs, est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, Rasulul Huda. Et toute invocation autre que celle-ci sera alors une innovation dans la religion, une bid'a, une innovation dans notre législation. Et nous parlons par exemple de faire l'adhan, ou bien de faire l'iqama dans la tombe, comme font certains, qu'Allah les guide, ou bien certains prennent une poignée de terre, puis ils lisent quelques versets coraniques dessus, croyant de leur part que cela gardera ou que cela protégera le mort. Mais non, mes chers croyants, cela fait partie des innovations de la religion qu'Allah a interdit. Le troisième point important de l'enterrement du mort concerne la façon de le poser dans le fossé Allah. Il est recommandé que le cadavre du mort soit posé sur son côté droit. Et ceci a été recommandé par le prophète alayhi salatu wassalam, car le prophète sallallahu alayhi wassalam a recommandé que la personne qui dort se couche sur son côté droit avant de dormir. Et cela, selon le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon al-Bara ibn Azib radiallahu anhu. Et le sommeil et le décès constituant tous les deux une mort, alors par analogie, il est recommandé que le mort soit posé sur son côté droit. Quatrièmement, le quatrième point de l'enterrement du mort est qu'il est obligatoire d'orienter le mort vers la Qibla, la direction de la Mecque. Et ce quatrième point est très important, mes chers frères et sœurs, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu cet acte obligatoire en disant, dans son hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et jugé bon par Cheikh Al-Albani, et ce hadith évoquant les péchés capitaux, c'est-à-dire les grands péchés, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, et celui qui désacralise la maison d'Allah, Al-Kaaba, votre qibla, que vous soyez vivant ou mort. Ainsi, les savants ont fait l'analogie entre le fait qu'elle soit notre direction dans la vie, et ceci fait référence à la prière, et qu'elle soit notre direction pendant la mort, et ceci est lorsque nous dirigeons le mort lors de l'enterrement dans sa tombe. Votre direction, que vous soyez mort ou vivant. Et c'est là, mes chers frères et sœurs, que l'on constate que l'enterrement dans le cercueil va à l'encontre de ce que nous a ordonné notre prophète, alayhi salat wa salam. Et cela pour plusieurs raisons. La première, ceci est contraire à la sunna, car la sunna est de mettre le mort par terre, afin que son linceul touche la terre. La deuxième raison est que ceci représente un gaspillage d'argent, car un cercueil est très coûteux. La troisième raison est que de prendre un cercueil pour le mort est certes une coutume des chrétiens. Et la quatrième et la dernière raison est la plus dangereuse, est du fait que la dépouille du mort dans le cercueil ne sera jamais en direction de la Qibla, car le mort est allongé sur le dos. Et de plus, les savants ont dit également qu'il est détestable de mettre avec le mort quelque chose qui a été touché par le feu, comme le marbre ou comme le vernis, tout simplement par optimisme que le mort lui aussi ne sera pas touché par le feu. Par contre, il n'est pas détestable d'enterrer le mort dans un cercueil par nécessité. Si on ne peut pas le faire sortir du cercueil pour le mettre directement dans la terre, ou bien si la terre est argileuse et très humide, alors il est permis de prendre le cercueil, mais à une condition, à condition que le cercueil soit posé sur le côté droit et afin que le visage du défunt soit dirigé vers la Qibla. Et ceci est la façon religieuse de mettre le mort dans son fossé Allah. Et sachez, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas une sunna de mettre une brique séchée sous la tête du mort, comme un coussin, car ceci n'a pas été cité dans la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et de plus, Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, nous dit, mettez le mort sur une terre non aplanie et sans coussin sous la tête. Ceci est donc non conforme à notre sharia, selon l'avis correct des savants. De plus, l'imam Ibn al-Hajj, dans son livre El Matral, a dit que le fait de mettre du sable ou un coussin sous la tête du mort, sans nécessité, représentait certes une innovation dans la religion. Autre chose, qui n'est guère autorisée, le fait de découvrir le visage du mort. Et pourtant, beaucoup de ceux qui enterrent les gens le font et l'accomplissent. Et ceci est certes non conforme à la charia. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais incité à faire cela. Les gens pensent faire du bien, car le compagnon Omar, radiallahu anhu, a dit dans son testament, « À ma mort, vous me déposerez dans la tombe et vous mettrez ma joue droite par terre. » Car ceci montre la soumission et l'humilité avec Allah, envers Allah. Et l'humilité envers Allah. Et cela reste propre à la joue et non pas au visage. Et encore, ce n'est pas tout à fait évident, car ceci reste les dires de Omar, radiallahu anhu, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne nous l'a pas ordonné. Donc ceci est permis de découvrir les joues, mais la priorité est de ne pas le faire. Par contre, la personne en état de sacralisation, morte lors de son pèlerinage, en ce qui la concerne, la sunnah est de couvrir ni sa tête, ni son visage, car il doit être enterré dans ses vêtements de ihram, dans ses vêtements en état de sacralisation. La cinquième condition concernant l'enterrement du mort est qu'après avoir posé le mort dans son fossé, il faut mettre les briques, des briques séchées sur la tombe. Ce sont des briques d'argile séchées que l'on utilise pour refermer le fossé. Et ces briques sont fabriquées sur place dans le cimetière et ne doivent pas être faites de quelque chose qui a été touché par le feu, comme le ciment, ou comme le marbre, ou comme le plâtre. Elles sont placées par la suite, l'une à côté de l'autre, puis on met de la boue, on introduit de la boue, pour boucher l'espace qui se trouve entre les briques. Et c'est comme cela qui a été fait avec la tombe de notre cher prophète, alayhi salat wa salam. Et une fois que tout cela est fait, arrive alors une autre sunnah, qui est que chaque personne qui assiste à l'enterrement jette 3 poignées de terre avec leurs 2 mains sur la tombe. Car l'imam Ibn Majah a rapporté avec une chaîne de transmission authentique d'après Abi Hurayrah radiallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a fait la prière funéraire sur un mort, puis il s'est approché de la tombe du côté de la tête, puis il a jeté de la terre 3 poignées. Et il ne faut rien prononcer comme formule en jetant ces 3 poignées de terre. A l'inverse de ceux qui rapportent, selon le hadith de Abu Umamah al-Bahili, qu'il faut dire au moment de la première poignée, « Minha khalaqanakum » et c'est de la terre que nous vous avons créée. Et au moment de la deuxième poignée, « Wa fiha nu'idukum » et en elle nous vous retournerons. Et au moment de la troisième poignée, « Wa minha nukhrijukum taratan ukhra » et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, est un hadith faible, est un hadith daïf, et donc le plus correct est qu'il ne faut rien dire en jetant les 3 poignées de terre. Mais pour quelle raison faisons-nous cela? Alors certes, premièrement, afin que tous les musulmans présents participent à l'enterrement de leurs frères. Car mes chers frères et sœurs, sachez que l'enterrement, et nous vous le rappelons, l'enterrement d'un mort est une adoration propre et noble, et qu'Allah récompense celui qui l'a fait. Comme la preuve en est, le hadith que l'on a cité dans le prêche précédent, et qui a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi et l'imam al-Hakim, un hadith selon Abi Rafi'a, radiallahu anhu, authentifié selon les conditions de l'imam muslim, et approuvé par l'imam al-Dahabi et par Sheikh al-Albani, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « Quiconque creuse une tombe pour un frère mort, c'est comme s'il lui avait construit une maison qui l'abritera jusqu'au jour de la résurrection. » Et remarquez, mes chers frères et sœurs, que ces 3 poignées de terre que jette chaque musulman présent ne doivent s'effectuer que après avoir rempli la tombe de terre. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas autorisé de recouvrir la tombe d'une terre autre que celle de cette tombe. Et ceci est ce qu'a dit l'imam al-Shafi'i dans son livre Al-Umm. Car si on ajoute une autre terre, la tombe dépassera le niveau autorisé. Et certes, la tombe, mes chers frères et sœurs, sachez qu'il ne faut pas qu'elle dépasse le niveau d'une longueur de main. Et c'est ce qu'on appelle en arabe « al-shib ». Et ceci est suivant le modèle de la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam. Jabir, radiallahu anhu, nous dit, j'ai vu la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dépasse le niveau du sol d'à peu près un chibre, d'à peu près une hauteur de main. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi et par l'imam Ibn Hibban avec une chaîne de transmission bonne. Et il est ainsi de la sunnah également d'arrondir le haut de la tombe avec une forme de bosse, c'est-à-dire que le milieu soit plus haut que les bords. Et la preuve en est ce que rapportait l'imam al-Bukhari selon Sufyan al-Tammar, rahimahullah. Celui-ci a dit, j'ai vu la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, et celle de Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhuma, qui avait la forme d'une bosse d'un chameau. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit dans son livre Zad al-Ma'ad, et la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, est en forme de dos d'âne, et il y a du gravat dessus, et elle n'est ni peinte, ni construite. La sixième condition et le sixième point concernant l'enterrement du mort est qu'une fois que l'on a remis la terre sur la tombe, il nous est permis de désigner la tombe afin que la famille du défunt puisse reconnaître son emplacement et pour enterrer à côté de lui ses proches. Et la preuve en est ce qu'a rapporté l'imam al-Bayhaqi et l'imam Abu Daoud avec une chaîne de transmission bonne. Un compagnon radiallahu anha dit, le jour Uthman ibn Mad'oun, radiallahu anhu, est mort. Et c'était l'un des compagnons des plus proches et des plus aimés du prophète, alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a ordonné à une personne de lui apporter une grosse pierre qu'elle n'a pas pu porter. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, releva ses manches. Et le narrateur du hadith nous raconte, radiallahu anhu, et nous dit, la personne qui m'a raconté cela disait que les bras du messager d'Allah et alayhi salatu wassalam étaient tout blancs et il a pris la pierre puis il l'a posée sur la tombe du côté de Uthman ibn Mad'oun radiallahu anhu et puis il dit alayhi salatu wassalam, ceci est pour désigner la tombe de mon frère afin que j'enterre les membres de sa famille. Il est donc permis de désigner la tombe avec une pierre si celle-ci est différente des autres pierres du cimetière. Mais il est interdit de désigner celle-ci avec du bois ou avec du marbre ou autre chose. Et mes chers frères et sœurs, nous venons ainsi de vous présenter ces quelques règles juridiques concernant la tombe et la façon avec laquelle on enterre le mort. Mais a-t-on ainsi pensé à ce jour? A-t-on pensé à notre tombe? Et a-t-on pensé à la façon avec laquelle on sera enterré? Ô toi musulman, as-tu écrit cela dans ton testament et l'as-tu recommandé? Rappelle-toi de ce jour-là, le jour où l'on t'amènera de ton château vers ta tombe, le jour où l'on t'amènera de la lumière de ton berceau vers l'obscurité de ta tombe, et de la réjouissance de la vie vers la boue et la terre. Mes chers frères et sœurs, lorsque Dhun Nurayn, Uthman radiallahu anhu, se mettait devant une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit trempée de larmes. Et les gens le voyaient ainsi. Et lui demandait, lorsque tu évoques l'enfer et le paradis, tu ne pleures pas. Et tu pleures lorsque tu évoques la tombe. Pourquoi cela? Et alors il répondait, radiallahu anhu, parce que j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, la tombe est la première demeure de l'au-delà. Si l'être humain est préservé de son supplice et de son châtiment, tout ce qui viendra alors, après cela sera plus facile et plus simple pour lui. Mais s'il n'en échappe pas, tout ce qui viendra alors après sera pour lui plus rude et plus difficile. Et sachez également, mes chers frères et sœurs, que la tombe constitue soit un jardin parmi les jardins du paradis, ou soit une abîme, et soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, comment les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, réagissez en présence de la tombe et réagissez en présence de ceux qui rappellent la mort. Et ainsi nous allons parler bi'idnillah jalla wa ala dans les prochains discours de ces rappels qui nous font tant de bien, de ces rappels qui font pleurer les yeux et attendrir les cœurs afin que nos actions changent, afin que nos œuvres se modifient. Et ceci pour stimuler nos volontés, pour stimuler nos efforts vis-à-vis des bonnes œuvres. Subhanallah, l'un de nous verse des larmes pour les soucis et les problèmes de cette vie de ce bas monde. et ne se soucie guère de ce qui peut altérer sa foi ou sa religion. Rappelez-vous de ce qu'a dit notre prophète, alayhi salatu wassalam, la tombe constituera soit un jardin parmi les jardins du paradis, ou soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Ne soyez pas ainsi de ceux qui bâtissent et de ceux qui embellissent les palais en oubliant leur demeure sous la terre, de ceux qui illuminent leurs maisons de ce monde en assombrissant leurs tombes. Ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans, suivez les pas de votre prophète alayhi salatu wassalam et n'oubliez pas que l'on visitera tous cette demeure sous la terre où l'on sera seul devant nos œuvres. Et ainsi, qu'Allah soit satisfait du poète Zayn al-Abidin, qui est le petit-fils du petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. L'étranger n'est pas celui qui vient de Syrie ou du Yémen, mais l'étranger est celui qui se trouve dans son linceul. Mon voyage est lointain et mes provisions ne me suffisaient. Je commence à fatiguer alors que ma mort m'a demandé et j'ai des péchés dont je ne suis pas informé. Comment Allah est patient envers moi? Il m'a donné un délai. Il me couvre malgré mes nombreux péchés et je suis celui qui referme les portes des désobéissances car l'œil d'Allah n'arrête de m'observer. Je me vois comme étendu entre les mains de ma famille sur le lit de mort et me retourner. C'est comme si j'entendais les pleureuses sur mon sort pleurer, pleurant par chagrin et de ne plus me revoir effrayé. Ils m'ont apporté un médecin afin de me guérir, mais ils ne voient pas comment est-ce que je pourrais m'en sortir. Mes douleurs s'accentuent et la mort m'attire. De par toutes mes veines, elles me déchirent. Mon âme, après mon agonie, a commencé à sortir. Ma salive devint amère au moment d'agonie. Puis, me délaissant, je vis tout le monde partir. Après le désespoir, mon linceul fut préparé. Puis se leva la personne la plus aimée, avec les laveurs, afin de me purifier. Et vient un homme pour me dépouiller de mes habits, puis nu il me mit et me posa sur le plancher et m'étendit au-dessus de moi. Coula l'eau qui me purifie. Il me lava trois fois et l'appel du linceul j'entendis. Et quelle tristesse il me sortir de cette vie, m'expédiant dans un voyage sans provision qui me suffit. Et à quatre sur leurs épaules ils me portèrent, des hommes et derrière moi d'autres pour mon convoi funéraire. Et devant le mihrab, ils m'avancèrent. Derrière l'imam, ils firent sur moi une prière, ni en s'inclinant, ni en se prosternant, afin qu'Allah me soit clément. Ils me descendirent ensuite dans ma tombe lentement, et avancèrent l'un d'eux pour l'enterrement. Et il ôta alors le tissu de ma tête en me regardant. Et je sentis ses larmes me noyant, et dit, enterrez-le, et gagnez des bonnes actions de la part du clément. Dans l'obscurité de la tombe, afin de me tenir compagnie, guère de parents ou d'enfants. Ma famille divisa mes biens en me quittant, et mes péchés lourds sur mon dos devenant, et fut pour eux licite et sans limite mon argent. Que ne trompe donc cette vie et sa beauté, et regarde plutôt ce qu'aux familles et nations elle a été, et observe ceux qui s'emparèrent des propriétés. Est-ce qu'avec autre chose que le linceul ils nous ont quittés? Non, par Allah, ô âme, évite les péchés, et acquiert de la part du clément les bonnes qualités. Ô âme, fais attention, repentis-toi, et fais le bien afin que par celui-ci tu sois récompensé. As'alullah tabaraka wa ta'ala, je demande à Allah jalla wa ala, qu'il fasse de nous des gens pieux, et qu'il rende utile nos propos concernant l'enterrement du mort, pour moi ainsi que pour vous. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh, lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المؤمنون, ô vous les croyants, une fois l'enterrement du mort effectué, sachez qu'il est interdit de bâtir ou de rehausser les tombes en marbre ou en mosaïque. Car l'imam Muslim rapporte, selon le hadith de Jabir radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit d'édifier les tombes et de s'asseoir dessus. Et dans une autre version de ce hadith, avec une chaîne de transmission authentique rapportée par l'imam al-Nasa'i et par l'imam Abu Daoud, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit d'écrire dessus. Donc, ceci est une recommandation du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qu'il ne faut pas bâtir, ni rehausser, ni orner les tombes, et qu'il n'y ait pas d'inscription dessus. Et on peut par analogie inclure le fait que cimenter les tombes est également interdit, et tout autre matériau autre que la terre et de la pierre. Et cela, mes chers frères et sœurs, peut certes pousser l'un de vous à se poser la question, mais pourquoi est-ce interdit? Alors sachez que toutes ces actions constituent une sacralisation et représentent une glorification des tombes. Et nul ignore que c'est un moyen fort de divinisation de l'occupant de cette tombe, ce qui est considéré comme étant de l'association qui va à l'encontre même de l'unicité d'Allah, Tawhid. Et c'est ce qu'on constate malheureusement dans la plupart des pays musulmans, que les gens ont glorifié les tombes et par la suite sont devenus mécréants en associant quelqu'un qui ne peut rien ni pour lui ni pour autrui avec le puissant glorifié Allah soit-il. Oui, mes chers frères et sœurs, une tombe construite et bâtie est une tombe glorifiée. Et si une tombe est glorifiée, elle est adorée et associée au Créateur qui mérite l'adoration à lui seul. Et ne vous étonnez pas, en voyant le cas des tombes dans les cimetières musulmans, alors vous trouverez parmi elles des tombes ornées, des tombes bâties, des tombes gravées, des tombes colorées, et nous en passons. Il y en a même ceux qui y posent des fleurs, exactement comme le font les chrétiens et les juifs. Où sont leurs savants et leurs responsables? Où sont leurs prêcheurs qui leur montrent le droit chemin? Une tombe, mes chers frères et sœurs, ne doit pas dépasser la hauteur d'une main, au-dessus du niveau du sol. Et il est autorisé par contre de la marquer par quelques pierres, puis de l'arroser afin de solidifier et de figer la terre. Et tout ce que font certains, pour ne pas dire la plupart des gens, en mettant une plaque en marbre sur laquelle est inscrit quelques versets coraniques, ou bien où est inscrit le nom du défunt, ceci est un acte contraire à la législation islamique. Puisque comme vous venez de l'entendre, cela n'a pas été légiféré par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, cela a été interdit par le prophète alayhi salatu wassalam, et ça l'est toujours, puisque l'interdit implique que cet acte est illicite, et donc il n'accepte guère d'exception. Alors mes chers frères et sœurs, si vous voulez désigner votre tombe, la tombe, si vous voulez désigner et reconnaître la tombe de vos proches, mettez une pierre marquante, par sa couleur ou par sa forme, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, en désignant la tombe de Uthman ibn Mad'oun, radiallahu anhu. Et dans le recueil authentique de l'imam muslim, un compagnon, radiallahu anhu, nous dit, Ali ibn Abi Talib m'a dit, je vais t'envoyer en mission, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait avec moi. Il m'a envoyé pour détruire toute statue, et pour rapetisser, c'est-à-dire rabaisser, toute tombe rehaussée. Et alors ce message est adressé à celui qui a construit la tombe de son père, ou la tombe de sa mère, ou celui de sa femme ou de son frère, qu'il soit pieux, et qu'il craigne Allah Azza wa Jal, et ainsi qu'il rabaisse la tombe, qu'Allah t'a ordonné d'aplatir, et qu'Allah a ordonné de ne pas embellir, qu'il détruise ce qu'il a construit sur la tombe de ses proches, et qu'il sache que le mort n'a guère besoin de cet ornement, mais il a besoin d'actes généreux et de bonnes actions. Mais n'oublions pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, avec la sagesse que lui a inculquée Allah, jalla wa ala, nous montre qu'il faut l'équité dans tout, même concernant les tombes et dans les lois juridiques. Car il nous a défendu de sacraliser les tombes en les édifiant, mais il n'a pas manqué également de nous rappeler d'éviter de faire le contraire totalement, c'est-à-dire en rabaissant les tombes et leurs occupants. L'exagération est le fait de rehausser les tombes. Laxisme est tout à fait le contraire, c'est-à-dire en les salissant et en marchant dessus et en rabaissant de leur valeur, comme nous a défendu le prophète alayhi salatu wassalam, selon un hadith de Abi Hurayrata radiallahu anhu, dans le recueil authentique de l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est préférable à l'un de vous de s'asseoir sur une pierre brûlante que de s'asseoir sur une tombe. Et dans une autre version, il nous dit, il est préférable à l'un d'entre vous de marcher sur une pierre brûlante que de marcher sur une tombe. Et dans un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique, selon Uqbata Ibn Amir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il m'est préférable de marcher sur une épée ou sur une braise que de marcher sur une tombe d'un musulman. Et je ne fais aucune différence entre faire mes besoins entre les tombes ou bien dans le marché. Car certes, mes chers frères et sœurs, dans plusieurs pays, malheureusement, les tombes sont citées par leur nom ou bien sont glorifiées. Et il y en a qui construisent sur elles et il y en a qui méprisent ces tombes. Et ainsi, il y en a qui vont faire leurs besoins et ils font leurs besoins sur ces tombes. Et certains utilisent les cimetières pour désobéir à Allah, pour boire de l'alcool ou bien pour faire de l'adultère ou pour cacher des butins, des vols ou bien de leur sorcellerie. Wal'iyadu billah. Alors un conseil à ceux qui commandent les musulmans, un conseil aux autorités est de mettre des gardiens dans leur cimetière s'ils craignent ce genre de choses. Et s'il craint ce genre d'acte abominable, mais il est interdit, mes chers frères et sœurs, d'éclairer les cimetières et d'éclairer les tombes avec des lumières comme celles des rues, car elles constitueraient une fois de plus une glorification des tombes. Et en plus, ceci est du gaspillage. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a interdit cela. Et nous concluons, bi'idhnillah, jalla wa ala, ce prêche en répondant à trois questions. La première, que fait-on avec un mort si l'on se trouve dans un bateau, dans la mer et loin de la terre? Et l'on a peur qu'il pourrisse et qu'il se décompose. Alors les savants ont dit que dans ce cas, on attache le mort avec un poids, comme des pierres par exemple, puis on le descend dans le fond de la mer, et ceci constituera un enterrement pour lui. La deuxième question, l'enterrement en groupe, comme ce que l'on voit dans les télévisions dans certains pays musulmans, est-il permis et autorisé? Alors certes, les savants ont dit qu'il est autorisé si on ne peut pas mettre chaque mort dans une tombe. Car en effet, les martyrs de Uhud, le prophète alayhi salatu wasalam a ordonné de les rassembler dans l'enterrement. Et la personne qui connaissait mieux le Coran, de la placer en premier dans le fossé. Et la troisième et dernière question, est-ce qu'il est autorisé de mentionner dans son testament de se faire brûler après sa mort? Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Alors certes, la réponse est que ceci est interdit. Il est interdit d'exécuter son testament, car le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Briser les os d'un mort équivaut à le lui faire étant vivant ». Il est ainsi strictement interdit de profaner et de transgresser le cadavre d'un mort musulman. Et le fait de le brûler mort, c'est comme si on le brûlait vivant. Telles sont quelques lois juridiques, mes chers frères et sœurs, de l'enterrement, que l'on se doit d'apprendre, que l'on se doit d'appliquer, que l'on se doit de transmettre aux frères musulmans, surtout ceux qui enterrent les gens et les gens musulmans. Et j'implore Allah, Jalla wa Ala, par ses bons noms et par ses attributs sublimes, qu'il rende utile ce que nous avons entendu pour les gens présents et les gens absents, et qu'il fasse que l'on soit sincère dans nos propos, dans nos paroles et nos actions. Lui seul a la capacité et le pouvoir. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de votre humble serviteur ou de Shaytan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager, ainsi que sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers.